attendant vainement déjà les soldes passés, de pouvoir se faire enfiler. La languette languissante se mêle des conversations des gens peu intéressants qui traînent là-bas, tout au bout du rayon. Elle te dit, emmène-moi dans ta vie où tu veux, où tu vas. Je suivrai tes pas, pas à pas, pas à pas. Emmène-moi dans ta vie où tu vas. Je suivrai tes pas, pas à pas. S'apercevant vite qu'on ne fera pas affaire. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elles courent vite ces chaussures-là si vite que même si elles sont moches, on ne le verra pas. Elle te dit, emmène-moi dans ta vie où tu veux, où tu vas. Je suivrai tes pas, pas à pas, pas à pas. Emmène-moi dans ta vie où tu veux, où tu vas. Je suivrai tes pas. Pas à pas, emmène-moi. Parfois elle rêve qu'elle se met à marcher, puis prend de la vitesse, ça serait le pied, y est un peu plus loin dans son délire. Ses pensées se mêlent, elle peut mieux voir l'avenir, l'usure, s'allonger sur les ordures, la friture. Odeur qui n'est pas des plus pures, les fissures dans les recoins, la crasse est dure, les coutures vont lâcher à coup sûr. Et finalement, laisse-moi là, vis ta vie comme tu veux, mais sans moi. Je resterai là, là sans toi, là sans toi. Laisse-moi là, vis ta vie comme tu veux, mais sans moi. Je resterai là. Là sans toi, là sans toi. Laisse-moi là, vis ta vie comme tu veux, mais sans moi. Je resterai là, là sans toi, là sans toi. Laisse-moi là, vis ta vie comme tu veux, mais sans moi. Je resterai là, là sans toi, là sans toi. Laisse-moi là, vis ta vie comme tu veux, mais sans moi.